Lettre 66e, Théophanie à Junia Marcella, Nicée, janvier 303. J'ai remarqué, ma chère Junia, que c'est toujours dans les moments les plus malheureux de ma vie que j'étais le plus calme et le plus en paix avec moi. Cela vient sans doute du besoin pressant que j'éprouve alors de la grâce divine et de mes efforts pour obtenir cette paix que notre Maître recommande à ses disciples comme le premier des biens. Je supportais mes épreuves parce que je les regardais comme venant directement de Dieu et qu'il n'a jamais permis que je fusse la victime de la méchanceté des hommes. Mais à présent que cette nouvelle espèce de mot se répand sur ma vie et menace les seuls biens qui me restaient, mon obscurité et ma réputation, je te l'avoue, mon cœur se roidit. Pour la première fois, la colère et le dépit se mêlent à mes justes chagrins, et la résignation m'abandonne. Pourras-tu croire que j'étais exposé aux poursuites d'un scélérat? Moi qui me félicitais de ne pouvoir plus attirer les regards, ni être remarqué, pouvais-je craindre d'exciter la volupté dans l'âme d'un homme qui se présentait à moi comme revenu de toutes les vanités et de tous les plaisirs de ce monde, et n'aspirant qu'à vivre pour lui seul dans la retraite, et me témoignant un intérêt, un respect, qui m'inspirait pour lui de l'estime et de la reconnaissance, mais sans lui accorder cependant aucune confiance. Cet homme, c'est Marcius Alpinus, qui s'était introduit dans la maison d'Elysias. Celui-ci en avait bonne opinion. Peu à peu, il laissa percer ses infâmes desseins, et lorsqu'il trouva l'indignation la plus prononcée et la résistance la plus positive, il recourt à la ruse et à l'espionnage. Depuis quelques jours, je suis observé de manière que je ne puis faire un pas sans qu'il en soit instruit. Déjà, j'avais remarqué qu'il cherchait à me pénétrer, et j'ai lieu de craindre qu'il n'ait découvert qui je suis. Ce qui est certain, c'est que dernièrement, on a pris des informations très exactes sur moi, sur mon sort, sur mon arrivée ici, sur mes relations avec la famille de Lysias, même sur mon passage à Saint-Iom. Quel autre que lui peut avoir intérêt à me connaître? Il m'a témoigné lui-même cet odieux intérêt, et sans doute sa méchanceté attribuait mon obscurité et ma vie retirée à quelques raisons indignes à supposer. Il croit sûrement que je serai en son pouvoir dès qu'il connaîtra mon secret, mais il se trompe. Quelque puissant qu'il soit, quelque grande que soit son influence et les ressources du vice, celle qui peut mourir est invincible. Je ne consentirai jamais à recourir pour me protéger à l'époux de Calpurnie. Mais si je suis poussé à bout, s'il ne me reste aucun moyen d'échapper au monstre qui a juré ma perte, j'espère que le Dieu de bonté ne rejettera pas un être malheureux et persécuté qui se réfugiera dans son sein. Le moyen que j'avais résolu de mettre en usage chez les Goths, si l'excès du malheur m'y condamnait, me reste encore. Lorsque je ne serai plus, Junia, laisse connaître alors à Agathoclès ma triste destinée, qu'il sache que Larissa, oubliée, abandonnée, vécut assez longtemps pour savoir qu'un lien qu'elle croyait éternel avait été rompu par le pouvoir de la beauté et de la légèreté. Il s'aime avec passion, rien n'est plus positif, Lysias me l'a dit aussi. En voyant son portrait et celui de Calpurnie, il se récria sur les perfections de ce couple et dit qu'il comprenait très bien leur amour mutuel. Les lettres de Sulpici me le confirmeraient, si je pouvais en douter. Elle m'a envoyé les dessins, Calpurnie me les donne. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est donc de la main de ma rivale que je reçois le présent du portrait d'Agathoclès. Il est inutile de le garder, m'écrit la reine d'Arménie, puisqu'elle a constamment l'original autour d'elle. Et Calpurnie court sans cesse, me dit-elle aussi, de plaisir en plaisir. Et il la suit au milieu de cette foule enivrée, lui dont l'âme austère et la raison précoce ont toujours répugné à ses divertissements bruyants. Il a donc complètement changé, il n'est plus Agathoclès. C'est à présent l'adorateur soumis et complaisant de la belle Calpurnie, qu'il suit partout comme son ombre. Sulpici m'a répondu avec infiniment d'amitié, mais dans des termes qui décèlent sa profonde mélancolie. Elle n'est donc point heureuse malgré la possession de son amant et d'une couronne, tant il est vrai que l'accomplissement de tous nos vœux ne suffit pas au bonheur. Elle m'invite à l'accompagner à Ecbatane, à aller la joindre à Nicomédie pour partir avec elle. Dieu, à Nicomédie, tu comprends si je pouvais accepter son offre. Je l'en ai remercié avec la plus tendre reconnaissance. Mais ce n'est pas le séjour d'une cour brillante qui convient à la pauvre Théophanie. Si je dois quitter cet asile, où serais-je mieux qu'auprès de ma Junia ? » Deux jours plus tard, Nicée. « Oui, je dois partir d'ici. Le sort irrité ne me laisse plus de repos. L'orage qui nous menaçait vient d'éclater. Tu en ressentiras aussi les effets. Nos temples sont fermés. Une grande partie de nos frères les plus marquants sont en prison. Lysias, un des plus anciens de la commune et chrétien zélé, est menacé du même sort. Il est résolu à rester et à supporter avec piété et courage ce que la vengeance et la méchanceté lui réservent. Il a des ennemis et il sait bien que la haine a pris plus d'une fois le prétexte de la religion pour se satisfaire. Héliodore part pour Nicomédie, où le système de persécution est moindre à cause de la présence de Dioclétien. Tu sentiras que dans de telles circonstances, cette maison n'est plus un asile assuré pour moi. J'augmente leur danger et j'encours moi-même en restant chez eux. Mais où aller ? Je crains de voyager seul. Hélas, et moi aussi j'ai un puissant ennemi. Il ne me reste donc d'autre moyen que d'accompagner Héliodore. Marcius Alpinus est dans ce moment à Césarée, auprès de Galerius. Peut-être est-ce le seul instant qui me reste pour lui échapper. D'ailleurs, Lysias et Héliodore m'ont persuadé qu'il est plus facile de vivre caché dans une grande ville que dans une bourgade aussi petite que Nicée, où chaque voisin sait ce qui se passe à côté de lui. Du reste, je n'habiterai point la ville. Un quart de lieue de Nicomédie, à l'entrée d'un petit bois, est un village, que je me rappelle encore dès ma jeunesse. C'est dans cet endroit que plusieurs veuves chrétiennes vivent ensemble, retirées, éloignées du bruit de la capitale, se vouant au devoir de la piété et de la charité chrétienne. Elles travaillent aux habillements des prêtres, à l'ornement des autels. On les nomme des diaconesses. Mais leur plus belle occupation est de soulager les pauvres qui sont dans leur voisinage et de soigner les malades que l'on remet à leurs soins, ou qu'elles vont soigner chez eux. Héliodore m'introduira chez ces femmes respectables, dans cette maison, où je resterai autant que je le voudrais. Je vivrai aussi caché, aussi retiré qu'il me conviendra, et ces utiles occupations donneront un but à mon existence. Nous partons demain pour être à l'abri des enquêtes que l'on pourrait faire. Nous prendrons la route d'Apamée, mais nous la quitterons à quelque distance d'ici pour nous rendre par un chemin détourné à Nicomédie. Dès que je serai rendu dans ma solitude, je te donnerai de mes nouvelles.